Yeah, perdu. 2009, terre libre. Hein, pour tous mes potos, pour tout Bellecroix. Hein, bienvenue dans mon quartier. Hein, tous fiers et libres, tous. Hein. Voilà maintenant, je vais pas simuler les douleurs de mes souffrances, mais que raconter la vérité. Oh que putain, j'aurais voulu avoir une femme que celle que j'ai endurée avec Amandine. Je peux dire plutôt que cette putain, mais ça s'est passé comme ça s'est passé. Je peux dire que je peux respecter son choix. Je crois que pour moi le beau temps c'est celle-ci, car avec mes mélancolies, je peux passer une magnifique aussi bien que magnifique. Avec elle, j'ai pu en tirer des leçons et c'est bénéfique pour moi. Je vais pouvoir tout recommencer, comme il s'est déjà commencé en écrivant cet album. Du moment que je suis heureux, c'est le principal. J'ai connu Sarah, une meuf qui m'a donné de l'aspiration. Quel bonheur pour moi de connaître une personne comme elle. C'est toujours bien pour moi, grâce à Lola, je suis là. Bienvenue au prochain char. Lola, je t'ai gardé dans mon cœur. Et vous mes potos qui va la prunelle de mon âme. Vous le savez pas, mais grâce à vous qui m'avez apporté un plus pour l'album et pour moi, grâce à vos humeurs, je serai là présent. Car l'avenir est proche avant de n'être que passé. Faut trouver un taf, une lady. Je vais pas devenir comme ce bouffon de Jordan. Mais je vais tracer ma life. Hey, les médecins interdits de retour pour un meilleur avenir. Car le passé c'est le passé, seul le présent est intéressant. Je pense que tu me comprends, je cherche pas à t'embrouiller mais seulement à t'expliquer et te raconter la honte d'être vivant. Mais les gars, je suis libre et fier pour ce que je représente au nom du rap. Que l'inspiration m'a suivi, je n'ai pas les talents de ce plat. Non mais je vis, je suis là, c'est sûr. Et ouais, faut le faire à la vienne, ce soir est pour moi et pour vous. Pour une fin c'est très bien, un être de l'humanité. Moi et Virginie 5-7 représente Bellecroix pour tous les mecs des blogs. Un fin et ça repère. Rangien ça repart car c'est l'autodestruction de SNK. Quand Eternity s'impose dans le micro du rap, comme Kizito qui s'acclache, James la boulette, rap de variété. Merde, c'est de la merde, prends pas si mal ou fatal base.